بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد ف aujourd'hui le 30 du mois de Al-Muharram de l'année 1444 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons la quatrième assise de notre série d'assises que nous avons intitulée donc Assise ouverte. Comme je vous l'avais dit, le cours d'aujourd'hui traitera de ce sujet très important que nous avons besoin incessamment de répéter à nos frères concernant l'étude de la science ou à moindre degré concernant le fait de s'asseoir dans des cours, dans des khotab de Jumu'a et autres avec certaines personnes de qui ils écoutent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sur la parole de ce grand imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous la prenez. C'est un sujet que j'ai déjà traité à de maintes reprises, mais qui demande d'être répété, comme je l'ai dit, incessamment. Encore une fois, ce sujet, donc je vais le traiter dans notre série d'assises, ici, Assises ouvertes, qui a pour but, cette série, de se renforcer les uns les autres dans Al-Manhaj, dans notre méthodologie. Se renforcer, car certains d'entre nous, et ceci touche l'ensemble d'entre nous, peut avoir à certains moments une faiblesse. Et ceci est la croyance des gens de la sunna, comme vous l'avez étudié. La croyance des gens de la sunna à propos de la foi, l'iman, et que cette dernière augmente et diminue. Comme cela, ta faiblesse et ta force à propos de ton manhaj, de ta méthodologie, augmentera parfois et diminuera parfois. Et certains, plus que d'autres. Et comme je l'ai dit, certains ont une faiblesse au niveau de leur manhaj, soit parce que eux-mêmes sont de base faibles dans leur suivi de ce manhaj, soit à cause d'éléments extérieurs qui viennent les affaiblir. Comme par exemple, l'endroit où l'on habite, la mosquée que l'on fréquente, les gens avec qui on s'assoit, les fréquentations, que ce soit les amis, parfois la famille, parfois les gens auprès de qui on s'assoit pour écouter la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je dis écouter, car avant de parler d'étudier la religion d'Allah azza wa jal, certains viennent, que ce soit pour ça, s'asseoir à un cours de science ou la khutbah de Jumu'ah ou même des assises un peu plus privées, viennent auprès de certaines personnes qu'ils estiment comme étant des gens qui sont plus avancés que eux dans la religion d'Allah Azza wa Jal pour écouter de eux la religion d'Allah. La voix de nos pieux prédécesseurs concernant cela était, comme l'a dit donc cet imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, certes cette science est une religion, la science que vous apprenez, la science que vous écoutez, ceci est une religion. Regardez donc de qui vous l'apprenez. Comme cela, il disait, rahimahullah, Muhammad ibn Sirin, encore une fois, avant les épreuves, il parle par cela de la propagation des ambiguïtés et des innovations. Avant ces épreuves, la propagation de ces ambiguïtés et innovations, nous ne demandions pas à propos de la chaîne de transmission. Puis, lorsque sont arrivées ces épreuves, lorsque se sont propagées ces innovations et ces ambiguïtés, nous demandions aux gens de nous donner le nom des gens de qui ils ont pris. De nous donner le nom des gens qu'il y a dans leur chaîne de transmission. C'est-à-dire, afin de savoir de qui cette personne a pris la science, de qui l'autre a pris la science, etc., etc., pour faire attention aux gens de l'innovation, ne pas s'asseoir auprès d'eux, ne pas prendre d'eux. Et comme cela, nous voyons cette parole de cet imam, Abdullah ibn al-Mubarak. Inna al-isnada min ad-din. la chaîne de transmission al-isnad fait partie de la religion. Walaula al-isnad la qala man sha'a ma sha'a. Si il n'y avait pas cette chaîne de transmission, n'importe qui aurait dit n'importe quoi. Cette chaîne de transmission, les gens de qui tu as appris, de même que les gens de qui a appris celui qui t'enseigne. Ceci est une grande base chez les gens de la Sunna. Connaître la personne qui est en face de toi, et comme la science est un lien qui lie les gens entre eux, un lien qui parfois, ou bien souvent, est plus fort qu'un lien de parenté, l'élève a comme lien avec son éducateur, son enseignant, un lien bien souvent plus fort que le lien qu'il a avec son père biologique. Tu dois donc, lorsque tu prends la science de quelqu'un, connaître son nom de famille par exemple, quelle est cette personne qui est devant toi, quand je dis son nom de famille, c'est-à-dire savoir qui est cette personne qui est devant toi, faire la différence entre Mohamed et Mohamed, Mohamed fils d'un tel ou Mohamed un tel et l'autre Mohamed. De même, de savoir qui est son père en religion, qui est son père en science, qui sont les gens de qui il a pris la science. Nous voyons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Vous entendez et on entend de vous, c'est-à-dire vous entendez le hadith que je rapporte et on entend ce que vous rapportez de moi comme hadith et on entendra ce qui est rapporté de vous. Ce hadith aussi est une base concernant les chaînes de transmission, savoir quelles sont les personnes qui sont dans cette chaîne de transmission. Et donc, ceci à propos de la science du hadith, comme on l'a déjà étudié ensemble, et de manière plus générale, l'apprentissage de la religion. Donc, il te convient, lorsque tu t'assois chez quelqu'un, tu étudies la religion, tu entends la religion d'une personne, car sans aucun doute, comme je l'ai évoqué, s'asseoir à une khutbah de Jumu'ah, la personne qui est sur le minbar, il te parle de mécanique, il te parle de pâtisserie, ou il te parle de la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en disant, qala Allah wa qala rasuluhu, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous l'avez entendu dans le cours des fondements de la sunna, comme on l'a entendu précédemment, que l'ensemble des gens de l'innovation, leur méthodologie était de faire sortir les textes de ce qui était voulu par ces textes. Comme cela la parole de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, où il disait al khawarij ont pris les versets qui ont été descendus sur les mécréants et les ont appliqués aux croyants. Ils ont fait sortir le texte de sa bonne compréhension. Donc une personne qui est sur le minbar qui te dit Allah a dit et son prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que ceci suffit pour que tu entendes la religion de lui? Plutôt nous voyons que les compagnons portaient une grande attention à cela. Et en particulier après eux, puisque c'est à ce moment-là que les innovations et les ambiguïtés se sont répandues, ceux qui les ont suivis dans le bien. Ce qu'on appelle les pieux prédécesseurs, as-salafu salih. Ils portaient une grande attention sur cela et une grande importance à cela. C'est pour ça qu'il est rapporté qu'il ne prenait pas le hadith d'une personne avant d'avoir demandé à propos de lui sur toutes les facettes de sa vie. Où rentre-t-il? D'où sort-il? Qui sont les gens avec qui il reste? De qui a-t-il pris la science? Et il est rapporté de certains d'entre eux qu'ils demandaient à propos d'une personne avant de rapporter un hadith de lui, comme s'ils demandaient à propos d'une personne de qui ils voudraient marier leur fille. Tellement ils recherchaient à savoir qui est cette personne, de qui a-t-il pris la science, d'où vient-il, etc. L'importance, donc nous voyons l'importance qu'ils portaient à cela. Et il est important de voir que parfois lorsqu'on parle de certaines personnes, je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises. Ici, on cherche à se renforcer à propos du manhaj, de la méthodologie. Une chose qui est acquise pour beaucoup d'entre nous, mais il est toujours bon de le rappeler comme je viens de le rappeler ici, que les gens de la sunna ne prennent pas la science des gens de l'innovation. À partir du moment où une personne est connu comme étant un innovateur, nous ne prenons pas la science de lui. Je pense que c'est quelque chose qui est connu et acquis chez l'ensemble d'entre nous. Le problème qui se pose à beaucoup de jeunes, c'est de faire la différence, premièrement, entre une personne qui fait partie des gens de la sunna et une personne qui n'en fait pas partie. Et ceci, même si cette personne s'affiche comme étant parmi les gens de la sunna. Il serait trop long à énumérer toutes les règles qui sont à suivre pour faire la différence entre celui-ci et celui-là. Mais beaucoup de ces règles, je l'ai évoqué pendant les cours qui ont précédé. Vous avez entendu de moi beaucoup de ces règles. Et en particulier, la compagnie d'une personne. Juger une personne, comme on en a parlé, vous vous rappelez, la semaine passée dans les questions après l'assise ouverte. La compagnie d'une personne. Une personne que tu ne vois jamais avec les gens de la sunna. Ou que tu vois avec les gens de la sunna, mais qui donne aussi son visage aux gens de l'innovation. Ou aux gens des ambiguïtés. Qui est complaisant envers eux, dans ses paroles et autres. Vous avez entendu la parole de l'imam Ahmed, qu'il a donnée à l'imam Abu Daoud, lorsqu'il parla d'une personne qu'il voit avec les gens de l'innovation, une personne qui est connue comme étant quelqu'un des gens de la sunna, mais qui les voit rester avec les gens de l'innovation. L'imam Ahmed de lui dire, conseille-le, s'il accepte le conseil, ceci est une bonne chose, sinon, al-hiqhu bihi, ou bihim. Si tu le conseilles qu'il accepte, ceci est une bonne chose. Sinon, apparente-le à eux, aux gens de l'innovation avec qui il reste. Parce qu'une personne, et ceci fait partie, comme je l'ai dit la semaine passée, de la bonne compréhension de l'imam Ahmed, sa compréhension de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ala adullukum ala shay'in, idha fa'altumuhu tahababtum, afshus salama baynakum. » Ne vous montrerai-je pas une chose que si vous la pratiquez, vous vous aimerez les uns les autres ? Répandez le salam entre vous. Et l'imam Ahmed, lorsqu'il commente ce hadith, il dit, dans le sens de ses paroles, celui qui passe le salam aux gens de l'innovation, celui-là, il les aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré dans ce hadith que ceci fait partie des choses par lesquelles nous ramenons de l'amour entre nous. Donc comment une personne qui détesterait les gens de l'innovation serait prête à leur passer le salam? Et comme je l'ai dit, ceci, dans certains cas, et à certains moments, quand j'ai parlé de el-hajr, c'est-à-dire le fait de boycotter quelqu'un. C'est-à-dire qu'on ne dit pas de manière absolue qu'une personne qui n'est pas sur la sunna, tu ne lui passes même pas ou tu ne lui réponds pas à son salam. Ceci, dans des cas précis que j'ai déjà détaillés précédemment. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que certaines personnes qui s'apparentent aux gens de la sunna, qui ont cet habit des gens de la sunna, mais tu les vois le plus souvent avec les gens de l'innovation, ou un peu avec les gens de la sunna, un peu avec les gens de l'innovation. Ils ont un visage avec les gens de la sunna et un visage avec les gens de l'innovation. La khutbah de Jumu'a, tu le vois toujours chez les gens de l'innovation, alors qu'il y a une mosquée sur la sunna à 10 minutes. Par exemple, tu ne le vois jamais se réunir dans des assises de science avec les gens de la sunna. Et autre que cela. Et donc, lorsque j'ai parlé aussi dans les cours précédents de l'mukhaddila, ces personnes-là qui délaissent, qui ne secourent pas les gens de la sunna, nous voyons aussi qu'à propos de ce sujet, beaucoup de personnes font ce tardil, le fait de délaisser, de ne pas secourir les gens de la sunna, dans cette porte-là. C'est-à-dire la porte de faire attention à la personne qui nous enseigne, de qui nous prenons notre religion, de qui ou chez qui nous asseyons pour entendre le Jumu'a et autre que cela. Et avant de rappeler certaines paroles des gens de science, je voudrais mettre en avant une chose que j'ai rappelée aussi beaucoup par le passé, le fait que pour savoir qui est cette personne de qui tu vas prendre la science, il ne suffit pas que cette personne soit une personne parmi les gens de la sunna. Ici, nous avons vu que les gens de l'innovation, tu ne prends pas la science d'eux. Les gens des ambiguïtés, tu les délaisses. Ceci est clair. Si une personne fait partie des gens de la sunna, est-ce que ceci suffit pour que tu t'assoies à son cours et que tu apprennes la religion de lui? Parce qu'il fait partie des gens de la sunna. Non. Il faudra que cette personne ait aussi la capacité, la science, qui lui permette d'enseigner, de transmettre le message de l'islam. Est-ce que chaque personne qui aurait étudié est une personne qui serait apte à transmettre? C'est une chose qui n'a même pas besoin, on n'a même pas besoin de réfléchir à propos de cela. Ce n'est pas toute personne qui aurait étudié qui est apte à transmettre ce qu'il a étudié. Donc nous voyons dans ces simples questions que je vous pose ici, il nous apparaît clairement qu'une personne qui serait sur la sunna et qui aurait étudié ne suffit pas pour être quelqu'un qui vient donner des cours et enseigner la religion de l'islam. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les épaules pour cette place qui est une place qui n'est pas une place honorifique. Celui qui donne des cours, qui enseigne la religion d'Allah Azza wa Jalla n'a pas pris une place honorifique. Mais plutôt c'est une place de responsabilité. C'est la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des prophètes avant eux, eux qui ont enseigné la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à leur communauté. Donc la personne qui prend cette place doit être une personne qui réunit plusieurs caractéristiques. Et même s'il ne voit pas cela de lui, mais si autre que lui, parmi les gens qui sont des gens de qui on prend leur avis, parmi les savants et les étudiants en sciences, voit cette chose-là de lui, eh bien cette personne doit accepter ce jugement de ces personnes-là, même si lui, il ne voit pas cela de lui. Et à la base, la personne qui se met en avant comme cela ne doit pas se mettre en avant de lui-même, mais plutôt avoir été mis en avant par les autres. C'est pour cela que nous voyons des textes des gens de la sunna parmi nos pieux prédécesseurs, comme l'imam Malik, où il dit « Je n'ai pas commencé à enseigner, à rapporter le hadith, jusqu'à ce que 70 personnes parmi les savants de Médine ont attesté que j'étais prêt à cela. » Où en est-on de nos pieux prédécesseurs, nous qui nous revendiquons de ce manhaj? On se revendique de ce manhaj, mais où en est-on de ce manhaj? À part prendre des paroles tronquées de certains de nos savants, prises sur YouTube, disant « pas besoin de tazkiyat, pas besoin de recommandations, etc. etc. » et faire du tahdhil à ce moment-là, et enseigner aux jeunes et les éduquer sur un manhaj qu'on ne connaissait pas, n'importe qui s'avance à partir du moment où un tel a étudié tant et tant d'années, a étudié maintenant, de nos jours, vous remarquerez, c'est la personne qui s'avancera. Ici, je parle de la France, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la France, mais ici on parle de la France puisque c'est un environnement que l'on connaît, et c'est quelque chose qui est accentué ici en France par rapport à d'autres pays, selon ma connaissance, de certains autres pays. Une personne, n'importe laquelle, donc, viendra et ramènera un curriculum vitae, a étudié tant d'années chez, ou c'est assise, bien sûr, il dit c'est assise pour ne pas dire que cette personne est un élève, puisqu'en réalité, le shir de chez qui il s'apparente ne le connaît pas. Donc si on revient un jour au shir et qu'il nous dit « je ne connais pas cette personne-là, mais c'est possible qu'il se soit assis dans mes cours », il pourra dire je n'ai pas dit que j'étais son élève, j'ai dit que je me suis assis chez lui. Faites bien attention à Yuel Ikhwa. Comme je vous l'ai dit la semaine passée, et comme vous l'avez entendu la parole de Cheikh Rabir, nous voulons des jeunes intelligents, des jeunes qui raisonnent. Pas un simple curriculum vitae, une biographie, une autobiographie, je ne sais pas, ceci ou cela. Et une personne qui s'avancerait, et à partir de là, cette personne-là, on la met à une place qui est au-dessus de toutes les autres. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Vous avez écouté un petit peu concernant Et-Teskiyat, les recommandations. Vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine passée. Certes, il n'est pas obligatoire qu'une personne ait la recommandation d'un savant pour s'avancer. Et c'est ceci que nous trouvons dans les paroles de nos savants, qui bien souvent sont tronquées, mises en avant par certaines personnes pour dire « oubliez les Et-Teskiyat, ce n'est plus d'actualité ». Par contre, comme je l'ai dit, pour que tu t'assoies devant une personne, tu te dois d'appliquer cette parole de Mohammed ibn Sirin. Certes, cette religion est une science. Regardez donc de qui vous la prenez. Donc toi, tu n'as pas le droit de venir t'asseoir devant une personne sans que tu saches que cette personne est viable dans son manhaj, dans sa science, et a réuni certaines de ses caractéristiques que j'ai évoquées précédemment, que j'ai évoquées aujourd'hui. Ça t'incombe à toi qui viens prendre la science, qui vient écouter la khutbah de Jumu'ah, qui vient apprendre la religion d'Allah. Même si cette personne-là, lui, il n'est pas obligé d'avoir même étudié chez les savants. Il se peut qu'une personne n'a pas étudié chez les savants, ait eu par la permission d'Allah Azza wa Jalla un petit peu de science et décide dans sa mosquée, chez les frères de sa ville, de les faire profiter de telle ou telle science. On ne dira pas « Taqillah, tu as été à l'encontre de la méthodologie des gens de la sunna ». Non, ça ce n'est pas notre voie, ceci est de l'exagération. Nous n'appelons pas à ça. Mais faites bien la différence entre une personne qui ferait cela dans la mosquée de sa ville et une personne qui ferait cela dans la mosquée de sa ville ou autre que la mosquée de sa ville avec une radio qui diffuse ses cours, avec ses cours qui sont diffusés chez tout le monde, avec une chaîne Telegram comment ça s'appelle, YouTube, des cours en direct comme cela, etc., etc., etc. Ces cours qui sont dit, c'est-à-dire quelque chose qui serait propre à quelqu'un qui serait d'un niveau au-dessus que cette personne-là. Et ceci amène les gens à élever cette personne-là qui, lui, à la base, aurait eu le droit simplement de s'avancer, d'ouvrir un livre et de lire avec les gens de sa mosquée pour les faire profiter. On profite tous ensemble. Aurait été mis à une place qui est la place de l'étudiant en sciences qui a passé des années chez l'ulama, qui a été éduqué par eux, qui est connu par eux, etc., etc., etc. Faites bien la différence entre ces choses-là, ayyuhal ikhwa, parce que malheureusement, c'est une chose qui n'est pas pratiquée de nos jours par nous qui nous revendiquons de la sunna. Regardons ce que les gens aussi de la sunna disent, les imams de as-salaf à propos de cela. Et donc, concernant ces points, est-ce que toute personne qui a étudié peut enseigner? Est-ce que toute personne qui a fini une université peut enseigner? Est-ce que toute personne qui aurait passé tant d'années dans tel endroit peut enseigner? Et nous, pour nous, est-ce qu'on peut prendre de lui? Nous avons besoin de jeunes intelligents, comme l'a dit Cheikh Rabia, comme vous l'avez entendu dans le cours de la semaine passée. Hafidahoullah. Beaucoup d'entre vous connaissent par exemple des études de ce bas monde, des études de la vie de ce bas monde, par exemple une licence en histoire-géographie par exemple, ou un magistère dans telle et telle science. Certains d'entre vous en ont ici des diplômes. Demandez si vous n'en avez pas ceux qui en ont, et regardez pour ceux qui connaissent cela, parmi vous il y a des étudiants qui étudient en magistère, etc., comme certains frères qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, mais certains sont présents. Est-ce que si tu demandes à une de ces personnes qui vient de recevoir un diplôme, par exemple licencié d'une université en histoire géo, est-ce que lui, il serait apte à enseigner cette matière-là aux gens? Il te dira non, je viens de prendre ma licence, je ne suis pas apte à enseigner aux gens. Ceci concernant des diplômes, puisqu'on est dans l'époque des diplômes. Faites bien attention à cela. Et comme je l'ai dit, cette aptitude ou non-aptitude est une aptitude ou non-aptitude qui n'est pas absolue. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une personne qui aurait une licence en sharia, par exemple, de telle ou telle université, sans regarder quelle université, mais qui aurait une licence, lui, on dit « il n'est pas apte ». Non. Mais pareil, on ne dit pas « il est apte ». Ou « il est apte à enseigner de n'importe quelle manière, n'importe quel livre, de n'importe quel, à n'importe quel public ». Faites la différence entre ça et ça. Comme je vous l'ai dit, certaines personnes, tu vois un petit peu les cours qu'ils donnent, tu sais très bien que même les livres qu'il enseigne, il ne les a lui-même jamais étudiés. On ne parle pas du fait qu'il ne les a pas enseignés déjà avant cela, mais il ne les a jamais étudiés auprès d'un savant. Peut-être qu'il les a lus, peut-être qu'il a entendu des cours, mais auprès d'un savant, il ne les a pas étudiés. Pourtant, il vient devant vous, il ouvre ce livre et il vous l'enseigne. Nous avons besoin de jeunes intelligents qui font attention de qui ils prennent la science et de quelle manière. Comme cela, la personne qui donne des cours, il a besoin des frères qui sont avec lui, qui lui donnent le conseil, qui ne sont pas des mukhaddila, qui sont là en train de frapper dans leurs mains autour de lui, de l'applaudir, de dire « notre frère qui a étudié, etc. etc. » mais qu'ils ne viennent pas lui donner le conseil, lui dire « taqillah, peut-être que le livre là, il est un petit peu trop dur pour le public et pour toi aussi. Est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que tu l'as étudié ce livre-là? Comment as-tu étudié? Combien de temps tu as étudié? Chez qui tu as étudié ?» Au lieu d'être des gens qui ne sont pas intelligents, qui applaudissent n'importe quelle personne qui s'avance et qui sommes fiers qu'une personne comme ça sorte de notre ville à la manière des gens de l'époque anti-islamique qui sont fiers qu'une personne de leur généalogie ou une personne de leur ville ou une personne de leur quartier ait réussi. Non, c'est pas comme ça les frères. Vous avez compris? Ça c'est quelque chose de très important. Donc faites bien attention. Une dernière fois, je répète avant de rappeler ces paroles-là, que le salafi doit être minutieux. Minutieux lorsqu'il apprend, lorsqu'il enseigne, minutieux lorsqu'il parle, lorsqu'il se tait. Malheureusement, une chose qui caractérise beaucoup les frères de nos jours, lorsque tu lui poses la question sur une personne chez qui il va prendre des cours ou de qui il propage, parce que ici on n'est pas sur le fait simplement de prendre des cours, même propager, on est à l'époque du WhatsApp, Telegram et toutes ces choses-là. Pour vous dire, beaucoup de cours ne sont même pas dispensés dans les mosquées. Elles sont dispensées sur ces canaux. Donc, même dans la propagation, etc., etc., si tu demandes à la personne, il n'est même pas capable de te donner ces informations qu'il devrait pouvoir te donner du fait que c'est lui qui a propagé ou qui a appris chez la personne. Plutôt, il te donne une information qui est générale ou du « on m'a dit » ou du « peut-être » et il n'y a pas de minutie dans sa parole. Faites attention à cela. Barakallahu fikoum. Nous voyons que c'est pour cela que j'ai rapporté certaines des paroles de nos pieux prédécesseurs. Bien sûr, je devais parler aussi aujourd'hui, mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Je devais parler d'une chose qui est aussi répandue, c'est l'affaire des cagnottes, les demandes d'argent et l'outrance dans cela. Et en particulier au niveau de, soit de la part de certaines personnes qui s'apparenteraient à l'étude de la science, ou pour certaines personnes qui s'apparenteraient à l'étude de la science. C'est-à-dire qu'on prend le prétexte, la science ou la religion, pour récolter de l'argent de manière outrancière. Je pense que tous, vous êtes au courant de cela, vous savez de quoi je parle. Ce sujet-là, incha'Allah ta'ala, je le traiterai la semaine prochaine parce qu'on n'aura pas le temps. Mais c'est un sujet très important aussi et qui a une relation avec ce que nous voyons ici. Pourquoi je vais rapporter certaines de ces paroles ? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une personne dit ces paroles que je viens de prononcer, est une personne qui est pointée du doigt parce qu'il exagère, il est trop dur. Il y a des choses que, à partir du moment où telle personne a fait telle ou telle chose ou a étudié à telle, c'est bon, il ne faut pas être trop dur par rapport à cela. De même, lorsque certaines personnes qui peuvent être interrogées sur d'autres personnes, c'est ça exactement la tesquia, c'est-à-dire la recommandation qui est importante que nous devons voir ici. Même si on voit que certains de nos savants nous disent donc que la recommandation n'est pas une obligation pour faire da'wah, il parle bien sûr de la recommandation des gens de science, des savants, si tu écoutes bien les paroles, comme par exemple la parole de Cheikh Souleyman Ar-Ruhayli qui est répandue, qui a été traduite en français, si tu écoutes bien les conditions qu'il met en avant et de quoi il parle, il dit clairement que ce n'est pas toute personne qui fait la prédication qui peut être connue des savants. Donc là, ici, il parle bien des recommandations des savants. Mais les personnes, une personne ne peut pas venir de nulle part, être quelqu'un d'inconnu et s'avancer pour donner des cours et que n'importe qui vient prendre de lui. C'est ce que j'ai détaillé la semaine passée. Donc, lorsqu'on parle de ces personnes-là qui peuvent comprendre les bases de la recommandation, qu'est-ce qu'une recommandation, et peuvent recommander les autres, comme par exemple les étudiants en sciences qui connaissent, qui sont en place dans le pays, qui connaissent les gens autour d'eux, etc., etc., qui disent « cette personne-là, oui, je la connais, j'étais avec lui dans tel endroit, il a étudié ici, il s'est réellement assis chez les gens de sciences, il a réellement fait ça, parce que, bien souvent, sur ce CV, donc curriculum vitae de certaines personnes, a étudié 10 ans dans tel endroit. A étudié, qu'est-ce que ça veut dire à étudier pour lui ? Bien souvent, c'est une personne qui est restée 10 ans dans le pays et les études, il allait dans un cours une fois toutes les deux semaines et à partir de là, on dit c'est une personne qui est restée 10 ans en Égypte. C'est une personne qui est restée 10 ans en Suédia. Et on l'avance aux gens. Et nous, les jeunes qui n'avons pas cette démarche de réflexion, nous l'acclamons et disons cette personne-là, c'est une personne qui a étudié pendant 10 ans. C'est quelqu'un qui a un bagage, il a étudié pendant 10 ans. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, les frères, qui sont mis en avant comme cela. Je ne parle pas des gens qui sont mis en avant ou qui se mettent en avant comme étant étudiés tant d'années, etc., etc., sur un curriculum vitae. Mais au moment où était dans cet endroit pendant tant d'années, c'est quelqu'un qui n'étudiait pas forcément la science ou qui s'asseyait aux gens de science. Mais tu pouvais le voir assis comme cela, sans cahier pour prendre des notes, sans réviser, etc. Ça veut dire que cette personne-là, oui, il a fréquenté des assises de science, mais ce n'était pas un étudiant. Pourtant, quand on te l'avance ou quand lui, il s'avance, il dit « tant d'années dans tel endroit ». Donc, qu'est-ce que tu penses, toi, après avoir lu ce CV ? Cette personne-là, c'est un étudiant. Ou alors, s'est assis aux assises de un tel. L'assise d'un tel, il y a 3000 personnes, il était tout au bout, avec son téléphone dans les mains. Wallah ya ikhwa, c'est une réalité, son téléphone dans les mains, en train d'envoyer des messages WhatsApp pendant le cours du shir. Il n'a pas menti, il était aux assises du shir pendant tant d'années. Ce n'est pas un menteur. C'est à nous d'avoir cette réflexion, de connaître les bases de ce manhaj et de faire attention de qui nous prenons la science. Pour ne pas tomber dans ces mêmes problèmes dans lesquels nous sommes tombés précédemment et précédemment et précédemment. Et certains frères, j'ai déjà entendu cette chose-là, « Oh, il y a encore quelque chose sur telle personne. Oh, encore une personne que... En fait, ça ne s'arrête pas. Ah, on pensait la bonne pensée de lui et il y a encore une chose qui tombe sur cette personne. » Mais si vous aviez cette démarche dès le début, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette mise en garde sur lui. Après, tu es parti chez une autre mise en garde sur lui et tu es parti chez une autre. Non, si tu avais fait les choses correctement dès le début. Pour ne pas trop vous fatiguer avec ces paroles. Nous voyons que l'imam muslim dans... Bon, bien sûr, pourquoi je reviens à cette parole, pourquoi j'évoque ces paroles ici ? Pour vous montrer que ce n'est pas toute personne qui va mettre en garde, pointer du doigt ces mots, qui touche la communauté, le grand nombre de personnes qui s'avancent sans droit, le grand nombre de personnes qui sont élevées sans droit, etc., etc. Ce n'est pas parce qu'il pointe du doigt cette chose-là que forcément c'est quelqu'un qui veut du mal aux gens ou qui veut du mal à la communauté. Plutôt, écoutez ces paroles de nos pieux prédécesseurs. Nous voyons que l'imam Muslim, dans l'introduction de son livre As-Sahih, je vous ai déjà parlé, le Sahih de l'imam Muslim, qui est mort en quelle année l'imam Muslim ? Fadal Tariq. 261. Ahsant. L'imam Muslim, dans l'introduction de son livre, qui est l'introduction donc au début de son livre, le recueil authentique de l'imam Muslim. Et comme je vous l'ai dit précédemment, la condition de l'imam Muslim dans son Sahih est différente de sa condition pour accepter les informations dans son introduction. Et après l'introduction, l'imam Muslim commence son livre par quel, qui est un grand recueil authentique qui fait partie des mères de l'islam dans les ouvrages. L'imam Muslim commence son livre par quel chapitre ? Hein ? Le Ahsant Omar, barakallahu fik. Le chapitre de la foi, Al-Iman. Et il termina par quel livre ? Hein, Shabab ? Essaye. Hein ? Là. Là. Hein ? Là. Hein ? Attends, on va y arriver. Non, c'est pas ça. Hein ? Al-Fitan, non. Là. Al-Tafsir. L'imam Muslim commença son livre, donc après cette introduction, par le livre de la foi et termina par le livre de Tafsir. Pourquoi je vous pose cette question ? Parce qu'il faut se rendre compte que ça, ce sont des livres de référence chez les musulmans. On se doit de les lire, de les connaître. Parfois, on voit que certaines personnes ne les ont jamais ouverts, ces livres-là, que ce sont des livres de référence. Et l'imam al-Bukhari qui est mort en quelle année ? Hein ? Allah mabarak, tfaddal. Ahsant. Et qui commença son livre par quel ? Son recueil authentique par quel livre ? Hein ? Hein ? Là. Hein ? La révélation, Ahsant. Le début de la révélation. Bad'u al-Wahy. Puis après, le livre de ? Hein ? Al-Iman. Après, le livre de ? La science. Et après, le livre de l'Wudu, etc., etc. Et termina son livre par le livre de l'I'tisam, l'accompagnement à la sunna, puis le livre de Tawhid. Le dernier des livres, le dernier des chapitres, c'est le livre de l'unicité. Avant celui-là, le livre de l'I'tisam que Biram a rappelé précédemment. L'imam Muslim, dans son livre, dans son recueil authentique, donc dans l'introduction al-Muqaddima, rapporta beaucoup de paroles qui traitent de al-jarh wa al-ta'dil et de l'importance de chercher à propos des gens avant de savoir. Avant de savoir à connaître les gens, avant de prendre la science d'eux. Par exemple, il dit le premier sous-chapitre, et ça c'est la parole, généralement les chapitres, les grands chapitres, c'est-à-dire le livre de la foi, etc., ça vient de l'imam Muslim. Mais les sous-chapitres, la porte de ceci, la porte de cela, ça vient de ceux qui ont expliqué le sahih de l'imam Muslim, et à leur tête, Al-Hafid al-Nawawi. Donc, ils ont dit la porte de l'obligation de rapporter le hadith de ceux qui sont sûrs, al-thiqat, et de délaisser les menteurs. Puis la porte de la mise en garde contre le mensonge sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis la porte de l'interdiction de rapporter tout ce qu'on entend. Puis la porte qui traite des faibles et des menteurs, ceux qui sont faibles et les menteurs. Vous vous rappelez la faiblesse ? On a dit que la faiblesse, elle peut être à propos de certaines choses, soit dans la religion d'une personne, soit dans sa mémorisation. Donc une personne peut être quelqu'un de pieux, mais avoir une mauvaise mémorisation, une mauvaise science, mais c'est quelqu'un de pieux. Quelqu'un sur la sunna, quelqu'un qui présente bien, quelqu'un peut-être même qui a étudié, mais il n'a pas gardé cette science qu'il a appris. Et autre que cela, parmi ces portes, comme par exemple la porte que la chaîne de transmission fait partie de la religion, la parole d'Abdallah ibn al-Mubarak que j'ai cité au début du cours, de même que la porte de la divulgation des défauts des rapporteurs. En gros, c'est la porte qui va traiter de al-jarh, de ceux qui rapportent la critique, de ceux qui rapportent le hadith et autre que cela. Nous trouvons dans son introduction plusieurs athars qui sont rapportés, plusieurs informations rapportées de certains parmi nos prédécesseurs. Et parmi ceux-là, nous trouvons une parole qui est apportée de Abdullah ibn Zakwan, ibn Zinad, comme on l'appelle, comme il est connu, ibn Zinad. Abdullah ibn Zakwan, où il dit, et cette parole est rapportée aussi de l'imam Malik dans d'autres recueils, l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi, qui dit, dans le sens de ces paroles, j'ai trouvé nombre et nombre, donc tant et tant de personnes à Médine, sur les piliers donc de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'asseyait contre les piliers de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces personnes-là, je leur demande d'invoquer en ma faveur, mais je ne prends pas le hadith de eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Hassan, fadl. Hassan, cette personne-là est quelqu'un de pieux. Je demande d'invoquer je leur demande d'invoquer en ma faveur, car ce sont des gens pieux. J'ai ce bon soupçon sur eux. Donc des gens sur la sunna, forcément. Là, on ne parle même pas des gens de l'innovation. Forcément, quelqu'un sur la sunna. Quelqu'un de pieux, mais il ne prend pas le hadith de cette personne-là parce qu'il a une mauvaise mémorisation, par exemple. Donc ce n'est pas toute personne, on voit ici, qui serait sur la sunna, qui aurait des apparences de piété, qui aurait même appris la science. Parce que ces personnes-là, ils ont un hadith à rapporter, mais l'imam Malik ne le prend pas de eux. Ils ont de la science, mais l'imam Malik ne la prend pas de eux. Pour certaines raisons. Vous voyez les frères, ce n'est pas toute personne donc sur la sunna qui a de la science, qui est apte à la donner et de qui on va l'apprendre. Nous voyons aussi que l'imam Malik, rahimallah, ceci n'est pas rapporté dans le muqaddima de l'imam muslim, il dit, ceci est une règle les frères, barakallahu fikum, l'imam Malik ibn Anas al-Asbahi qui est mort en quelle année ? Hein ? Tariq ? 179. Il dit, on ne prend pas la science de quatre personnes. On ne prend pas la science de quatre personnes. La première, un sot qui affiche sa sottise. Et ceci, même si c'est la personne qui rapporte le plus de hadith, on l'applique un petit peu, on va essayer de comprendre cette parole. Un sot, quelqu'un qui affiche de la sottise. Et ceci, même si c'est une personne qui a beaucoup de science. Si c'est quelqu'un qui affiche de la sottise, qui parle d'une mauvaise manière avec sottise, qui se comporte avec les gens à la manière d'un sot, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup de science, tu ne prends pas la science de lui. Il dit ensuite, un innovateur qui appelle à son innovation. Ensuite il dit, celui qui ment dans la parole qu'il, dans sa parole, dans son discours avec les gens, et ceci même si je ne lui impute pas de mentir sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là, vous rappelez dans la science du hadith ce que nous avons expliqué, comment on l'appelle cette personne-là ? Quelqu'un qui est connu pour mentir lorsqu'il parle avec les gens, mais qui n'est pas connu pour avoir menti sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Un muttaham bil kadhib. C'est-à-dire qu'il est. On le soupçonne ou. On l'accuse Ahsan, il est accusé de mensonge. Il ment dans la parole qu'il donne aux gens. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un qui aurait pu même être un étudiant en sciences, mais il est connu pour mentir. Ça, c'est une chose qui fait que tu délaisses l'apprentissage auprès de lui. À l'inverse de certaines autres personnes, je vais vous donner une autre parole ici. Et il dit, et une personne pieuse, adorateur d'Allah, qui est une personne méritoire lorsque cette personne ne mémorise pas ce qu'il rapporte comme science. Personne pieuse sur la sunna qui a appris la science, mais cette science-là, il n'a pas su la garder. Allahu Akbar. Regardez ces quatre personnes à propos de qui l'imam Malik a dit « Tu ne prends pas la science d'eux. » À l'inverse, nous voyons cette parole de ce grand imam, Sulayman ibn Mihran, qui est surnommé « Al-A'mash ». Cette personne-là qui était une personne connue, rahimallah, comme étant quelqu'un de difficile dans son comportement. Difficile. Il était dur avec ses élèves. Et il disait, lorsqu'il vit une de ces personnes qui assistait à ses cours et qui prenait le hadith de lui, qui ne venait plus, il demanda après lui, pourquoi un tel ne vient plus ? Et les autres élèves ont dit, parce que, en gros, ton comportement est difficile pour lui à gérer. Et il a répondu, rahimallah, il dit, il est donc un imbécile s'il délaisse la science que j'ai à cause de mon mauvais comportement. Parfois, une personne que tu peux voir être un peu dure, avoir certains comportements, du moment que ça ne sort pas de ce qui est obligatoire comme comportement d'avoir envers Allah tabaraka wa ta'ala et ses créatures, mais c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dur, mais cette personne-là n'est pas une personne de qui tu délaisseras sa science, à l'inverse de ces personnes-là qui ont été évoquées par l'imam Malik. Regardez la balance des gens de la sunna avec laquelle nous devons balancer les œuvres. Certaines personnes disent, cette personne-là, j'ai eu une mauvaise expérience avec lui. Un jour, il m'a regardé de travers. Un jour, il m'a répondu un peu sèchement. Alors, je ne vais plus à ses cours. Mais à côté de ça, tu vas au cours de gens qui sont sots et qui affichent la sottise ouvertement. Tu vas au cours de gens qui ne retiennent pas la science. Ils sont faibles dans leur science. Ils ont de la science, mais ils sont faibles dans leur science. Concernant les frères, les recommandations que tu dois avoir pour une personne de qui tu diras que cette personne est une personne des gens de la sunna, de même, une personne de qui tu prendras la science. De même, cette recommandation que tu ne dois pas faire, tu ne dois pas t'empresser à faire, mais plutôt tu dois la faire de manière minutieuse. Écoutez la parole de l'imam al-Barbahari que j'ai cité à plusieurs reprises, ce grand imam. Al-Barbahari, rahimahullah, il dit « Il n'est pas autorisé à un homme de dire un tel fait partie des gens de la sunna jusqu'à ce qu'il sache que l'ensemble des caractéristiques de la sunna soient réunies en lui. On ne lui donnera pas l'appellation d'adepte de la sunna avant que l'ensemble de la sunna ne soit réuni en lui. » L'ensemble des fondements de la sunna qu'on a évoqué ici. Tu connais cette personne avant de dire « C'est une personne, c'est un salafi, c'est quelqu'un des gens de la sunna, tu le connais. Tu n'as pas une connaissance approximative de cette personne ou tu as entendu d'une personne qui a dit « Oui, c'est un frère qui est sur la sunna » et après tu te retrouves à trouver des ambiguïtés chez cette personne-là, comme il arrive bien souvent. Donc faites attention quand vous parlez, les frères, comme ils disent, retenez votre langue avant de prononcer. Pourquoi ? Regardez la parole de Cheikh Al-Fawzan après, dans son explication de cette parole de l'imam Al-Barbahari. Il dit « Ne recommande ni ne fais les éloges d'une personne, si ce n'est avec science, afin que les gens ne soient pas trompés par ton éloge à son égard, alors qu'il n'est pas comme tu leur as décrit. » Tu dis « C'est un salafi, il n'y a pas de problème, va prendre la science de lui, il n'est pas comme tu l'as décrit. » Mais toi, par manque de minutie et d'assiduité dans l'étude d'une personne et du cas d'une personne avant de la recommander aux gens, de te la recommander à toi-même, regarde ce que tu as fait. Le grand désordre que tu as mis sur la terre. Par ton éloge à son égard, alors qu'il n'est pas comme tu l'auras décrit. Lorsque tu te seras assuré de lui, de sa voix, de sa science et de sa rectitude, alors tu le recommanderas. Je répète, lorsque tu te seras assuré de lui, de sa voix, de sa science et de sa rectitude, alors tu le recommanderas. Mais te précipiter à lui faire des éloges et le recommander sans ne rien savoir à propos de lui, ceci est une recommandation, une tesquia dangereuse qui trompera les gens à propos de cette personne. Si seulement ceux qui recommandent, qui font tesquia, les gens s'arrêtaient à cela et ne recommandent que ceux qui remplissent les conditions de la recommandation, car cette dernière est un témoignage. Si elle est erronée, elle devient alors un faux témoignage. Allahu Akbar. Tu crois que parce que tu n'es pas un prédicateur ou un imam d'une mosquée, lorsque tu dis à une personne, va chez lui, c'est un frère sur la sunna, il a de la science, il a étudié, va apprendre chez lui, tu n'as pas fait une recommandation, tu rentres dans cette parole. Concernant les recommandations, comme vous l'avez entendu, recommandation, une tesquia, ce n'est pas quelque chose que nous inventons, c'est une chose qui existe réellement. Et par rapport à cela, nous voyons que concernant les tesquiates, les recommandations, j'avais enregistré donc un audio sur les règles innovées et inventées et leurs dangers sur la voie des musulmans qui traitent des tesquiates et j'avais détaillé. Revenez à cet audio, il dure à peu près une trentaine de minutes. J'avais détaillé vraiment pour bien comprendre les paroles des gens de science concernant les tesquiates. Revenez à cet audio, les frères. Concernant le tesquia, je terminerai sur cela avant de laisser la parole à notre frère Mohamed. Concernant cela, nous voyons que l'imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala a dit dans son livre, al-Khatib qui est mort en quelle année? Salih, tfaddal. Ahsan 463, qui est l'imam al-Hafid des gens de? Hein? En fait, il est appelé et surnommé al-Hafid des gens de l'Orient. Et Hafid al-Mashriq et l'autre Hafid, ce grand imam qui est surnommé Hafid al-Maghrib, des gens de l'Occident, le Hafid des gens de l'Occident qui est mort la même année, hein? Tfaddal. Ahsant ibn Abdelbar al-Maliki, rahimahullah. Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Kifaya, fi ilm al-Riwaya, qui est un livre donc qui traite de la science, de la terminologie du hadith de manière générale. Qui est un livre connu et reconnu, qui est un livre assez conséquent. Il dit, la porte, le sous-chapitre, de l'obligation de donner les caractéristiques de ce de que celui qui fait teskia, pardon, qui fait la recommandation, doit donner les caractéristiques qu'il a, qu'il connaît à propos de la personne, à propos de qui il est interrogé. Celui qui va donner une recommandation, il lui est obligatoire de détailler donc les caractéristiques de cette personne, de les connaître et de les détailler. Puis il rapporta plusieurs paroles que je vais vous rappeler ici pour vous montrer l'état de nos pieux prédécesseurs concernant la personne sur qui on prend la science, de qui on prend la science, et la personne à qui on fait recommandation et la personne à qui on ne fait pas recommandation et sur qui on doit parler. Et parfois, lorsque tu parles sur une personne, lorsque tu viens voir un frère, parfois tu ne comprends pas, peut-être s'il te dit « Cette personne-là, évite-le » ou « Cette personne-là n'est pas une personne apte à donner cours, par exemple. » Il se peut qu'une personne, parmi les frères en qui tu as confiance, parmi les étudiants en sciences, dise cette chose-là. Ou même parmi les savants, dise cette chose-là sans même te détailler pourquoi elle te dit « Ne prends pas de lui ». Si c'est une personne de qui tu as confiance et que tu sais que cette personne-là connaît les fondements de la critique et de l'éloge, tu acceptes sa parole. Sauf si une autre personne vient faire teskia à cette personne, vient recommander cette personne, à partir de là, il y aura une critique et un éloge. À partir de là, on adaptera notre situation selon les règles qui sont connues. Une autre chose, avant de commencer, les teskia de certains frères qui, eux, c'est quelque chose qui commence à se répandre, des gens qui prennent des teskia de personnes qui ne sont pas des personnes qui doivent faire des teskia. Certaines personnes s'avancent dans l'enseignement, et si on leur demande « et teskia » ou quelque chose, une recommandation ou quelque chose, pourquoi on viendrait s'asseoir chez toi, ils te ramènent des paroles de telle et telle et telle personne et ils mettent en avant « cette personne est un imam, cette personne est un tel ou un tel ». Donc les personnes qui reçoivent la teskia ne connaissent même pas la personne qui a fait recommandation, mais elles boivent cette parole parce que c'est un imam, il était docteur dans je ne sais quoi, etc. C'est pas comme ça, vous avez compris les frères. Si je te dis un tel est recommandé par un tel, un tel, un tel, tu ne sais même pas qui est cette personne qui recommande. Cette recommandation ne tient pas. Pour toi, je parle pour toi, il est possible que la personne est vraiment connue. C'est un chir, c'est un savant, c'est un étudiant, mais toi, tu ne la connais pas. Tu m'as recommandé un tel fils d'un tel, mais je ne sais pas. Tu m'as dit qu'un tel fils d'un tel recommande telle personne, mais je ne sais même pas qui est un tel fils d'un tel. Tu me dis oui, c'est un docteur, c'est un imam, c'est, etc. Mais c'est, ça peut être un docteur, un imam. Mais est-ce que c'est quelqu'un sur la sunna? Est-ce que c'est quelqu'un qui a le pouvoir de recommander? Ce n'est pas n'importe quel imam ou quelqu'un qui monte sur le minbar ou qui donne un cours qui lui a cette maîtrise. Faites attention à ça. Dernièrement, réellement, beaucoup de gens tombent dans cela. On verra avec vous après le cours, savoir s'il y a certaines ambiguïtés à propos de cela. Donc, par rapport à ces paroles, et je vais terminer sur cela, il est rapporté que Yahya ibn Sa'id a dit, j'ai posé la question à Shu'ba ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, la première personne qui a regardé l'état des gens en Irak, cherché à savoir le menteur de celui qui ne ment pas en Irak, ce grand imam. Il a demandé à Shu'ba, à Sofiane, à Thawri, à Malik, l'imam Malik, et à Ibn Uyayna, Sofiane Ibn Uyayna, il leur a demandé à propos d'une personne qui est soupçonnée par rapport à sa véracité lorsqu'il rapporte le hadith, et une personne ou une personne qui ne mémorise pas bien le hadith. Ils lui ont tous dit, ces imams qu'il a évoqués lui ont tous dit, éclaircis sa situation aux gens. Il leur a ordonné d'éclaircir la situation de cette personne qui, soit est à qui on impute qu'il ne dit pas la vérité lorsqu'il rapporte des paroles, donc il a du mensonge, ou alors qu'il ne mémorise pas la science qu'il a, qu'il rapporte, le hadith qu'il rapporte. Éclaircis sa situation aux gens. Tu dois éclaircir sa situation aux gens. Il te faut éclaircir sa situation aux gens. Il est rapporté que Shu'ba, ce grand imam, Ibn al-Hajjaj, disait à l'un de ses compagnons, Imran, viens afin que nous médisions pendant une heure. Allahu Akbar. La médisance, il utilisa le terme nartab. Nous faisons de la médisance. Il parle ici de la médisance des gens qui méritent cette médisance parmi les gens de la chaîne de transmission, parmi ceux qui rapportent les informations, parmi ceux qui rapportent la science. Viens, que nous nous asseyons pendant une heure et que nous rappelions les défauts des gens du hadith, donc les gens du hadith qui ont des défauts et qui méritent que l'on rappelle leurs défauts afin que les gens prennent garde à ces personnes-là. Ceci était la parole d'un grand imam. Pareil, l'imam Ahmed, une personne parmi ses compagnons, lui a dit, cette personne, Mohammed ibn Bandar al-Sabbak, a dit à l'imam Ahmed, il m'est difficile de dire un tel est faible, un tel est un menteur, un tel est faible. Faible, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de science, qu'il n'est pas sur la sunna, qu'il n'est pas quelqu'un de pieux. Simplement, il est faible dans sa science, dans sa mémorisation du hadith, dans sa science, pour l'appliquer à ce que nous étudions aujourd'hui. Il est faible. On n'a pas dit c'est un mubtadi, c'est ceci, c'est cela. Bien faire la différence quand quelqu'un te dit un tel ne va pas, ce n'est pas quelqu'un qui est viable pour donner de la science, pour enseigner par exemple. Il est faible, il m'est difficile de dire un tel est faible, il m'est difficile de dire un tel est un menteur. L'imam Ahmad a dit, si toi tu te tais et moi je me tais, quand est-ce que l'ignorant va connaître le vrai du faux? Une dernière chose, il est rapporté, et ceci nous montre que certaines personnes peuvent avoir la bonne pensée sur une autre, mais que celui qui connaîtra plus encore la situation de la personne ou qui sera plus ancré dans les bases, les fondements de cette science, celui-là aura peut-être vu des choses que les autres n'auront pas vues, et même si ces autres sont des gens de science et des gens estimés et estimables. Il est rapporté que Hamad ibn Zayd a dit, nous avions parlé à Shu'ba, donc cette personne, ce grand imam dans la science de la critique et de l'éloge, ce grand imam dans la science du hadith, Shu'ba ibn al-Hajjaj, nous avons parlé à Shu'ba à propos d'une personne. Cette personne-là, c'était Aban ibn Abi Ayyash, qui est une personne qui est faible. Il dit, nous avons parlé à Shu'ba à propos de cette personne afin qu'il arrête de parler sur lui. Pourquoi? Parce que Hamad ibn Zayd, cet imam, et autres que lui, avaient vu du bien sur cette personne, et Shu'ba avait vu du mal chez lui, et il mettait en garde contre lui. Et ils sont venus voir Shu'ba. Ce sont des gens de la sunna entre eux, ils sont venus voir Shu'ba, ils lui ont dit, arrête de parler sur lui. Et Shu'ba, après avoir pris ce conseil ou cette parole de ces imams-là, il a dit qu'il a trouvé une douceur en lui qui fait qu'il délaisserait le fait de parler sur cette personne-là. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que... Puis il revint les voir et en s'excusant auprès d'eux, en leur disant, ce que vous me demandez, je ne vois pas que je suis dans la possibilité de le faire. Car cette personne, je connais son état, je ne peux pas me taire sur lui. Je ne suis pas dans la possibilité de me taire, je dois montrer, éclaircir aux gens l'erreur de cette personne-là. Et il avait d'autres paroles très dures par rapport à cette personne, Aban ibn Abi Ayyash, Shu'ba ibn al-Hajjaj, rahimahullah wa radiyallahu anhu.